Petit bout de femme ne demande qu'à être aimée, à verser déjà tant de larmes en espérant le trouver. Le sourire que l'on voit cache les blessures intérieures. Comment ont-ils pu à ce point écraser son cœur? Tant de questions et autant de nuits très courtes. Des fois c'est trop pour ce petit bout de femme, désormais remplie de doutes. Elle n'a pas perdu espoir, elle assume ses erreurs. Elle continue de croire qu'elle trouvera le bonheur. Tant d'amour à donner, ça se voit, ça se ressent, mais des principes et des valeurs qui ne changent pas avec le temps. Petit bout de femme a le cœur gros, mais elle fait bonne figure. A-t-elle bien fait, auparavant, d'aimer sans mesure? Car elle en paie les conséquences. Au fond d'elle, c'est le tourment. Elle ne veut que trouver celui qui marquera le grand tournant. C'est pourtant quelqu'un de simple, mais son cœur est très complexe. Et la stupidité des hommes la laisse parfois un peu perplexe. Il est bien quelque part, mais il se cache le salaud. C'est bien les mecs ça, hein les filles, un peu lâches, un peu macho.